j'étais tout seul dans la thèse. Pas un euro dans les poches, personne m'a fait la passe. Combien de zombies j'ai vu passer, combien de têtes cheloues en ville si on voulait ma peau. Dis-leur pas ce qui s'est passé. Dans le bas j'ai tout vu passer, de la drogue douce à lacer. Combien d'habits j'ai gâché. La dernière fois que je l'ai vu, c'était devant le bâtiment C. Je me lève, j'ai mal à la tête. Chaque jour je rencontre mes potos. Je pense aux gens partis trop tôt. Moi y'a que l'argent qui m'attire, y'a rage pour toi je tire. Négro je fais pas de quiproquo. Le plus important c'est les couilles. Mais faut quand même faire des pesos. Ma frimée devant ses pétasses, tu m'as cramé en gamos pétard. Sur son marché mon pétard. Sur le terrain midi, minuit, pas de pause. Quand tu payes cash, tu te casses, y'a pas de chrome. Voir les comptes, des faux pas, je fasse à pas de trop. Dans ton terrain, je parle qu'avec ton patron. Avec moi tu veux parler à faire, suffit qu'il y ait beaucoup de sèche, je ramène direct mon assos. Trop de fois je me suis mis dans la merde, j'ai compté que sur deux trois sauces, le rage je l'ai mis dans la fosse. Posé toute l'année, j'ai du charbonné. Tu peux compter sur moi, je pourrais pas donner. J'ai perdu des potes, j'en ai pardonné. Midi, minuit sur le terrain, je suis abonné. Posé toute l'année, j'ai du charbonné. Tu peux compter sur moi, je pourrais pas donner. J'ai perdu des potes, j'en ai pardonné. Midi, minuit sur le terrain, je suis abonné. Trop tôt, j'ai dû quitter l'école. À 13 pieds, j'étais dans les halls. Ça marquait nos blagues dans les jaunes. Y'a plus de confiance, à trahir pour un billet jaune. Sur le terrain, je vois plus trop mes potos. Certains sont condamnés, d'autres mandats dépôt. Je me rappelle très bien tout ce qu'on s'était dit, mais c'était plus pareil quand j'ai lu ta dépose. Et plus d'une fois, j'ai fréquenté le dépôt. Je regrette là-bas, j'oublie tout quand je suis dans le ghetto. On essaye tout, sortir de la misère. Sur moi, tu veux miser, faut pas regretter si je bétonne. Dans la tête, gros, c'est chacun son sort. Hier, tu te lâches, cool, le lendemain, t'as pris une peine d'assassin. Sérieux, je comprends pas les bails, t'avais même pas un rang. Je me fais sauter, t'es plein par hasard. Je laisse aller gros, si je suis bien dans le réseau. Toujours sûr de moi, j'ai le métal et la mentale. Je t'ai laissé en sens, c'est que j'avais mes raisons. Je laisse le petit s'occuper, toi, si t'es dans le besoin. Dans la tête, gros, c'est chacun son sort. Hier, tu te lâches, je coule, moi, t'as pris une fête d'assassin. Sérieux, je comprends pas les bails, t'avais même pas un rôle. Me fais sauter, t'es plein par hasard. Chaque jour, le terrain, il tourne, viscère toutes sortes de gueules. Tu passes par là, tu ressors pas à jeun. Viens chercher la merde, tu la trouves, en 530, je trouve et je te laisserai pas partir intact. Bosser toute l'année, j'ai du charbonné. Tu peux compter sur moi, je pourrais pas donner. J'ai perdu des potes, j'en ai pardonné. Midi, minuit, sur le terrain, je suis abonné. Bosser toute l'année, j'ai du charbonné. Tu peux compter sur moi, je pourrais pas donner. J'ai perdu des potes, j'en ai pardonné. Midi, minuit, sur le terrain, je suis abonné. Trop tôt j'ai dû quitter l'école. À 13 pieds j'étais dans les halls. Ça marquait nos blagues dans les jaunes. Y'a plus de confiance à trahir pour un billet jaune. Trop tôt j'ai dû quitter l'école. À 13 pieds j'étais dans les halls. Ça marquait nos blagues dans les jaunes. Y'a plus de confiance à trahir pour un billet jaune.